Job chapitre 8. Alors Bilda, suite, prit la parole, et dit, « Jusqu'à quand parleras-tu ainsi, et les paroles de ta bouche seront-elles comme un vent impétueux? Le Dieu fort renverserait-il le droit, et le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes enfants ont péché contre lui, il les a aussi livrés en la main de leurs crimes. Mais si tu recherches le Dieu fort de bon matin, et que tu demandes grâce au Tout-Puissant, si tu es pur et droit, certainement il se réveillera pour toi, et fera prospérer la demeure de ta justice. Et ton commencement aura été petit, mais ta dernière condition sera beaucoup accrue. Car, je te prie, enquiète-toi des générations précédentes, et applique-toi à t'informer soigneusement de leur père. Car nous ne sommes que du jour d'hier, et nous ne savons rien, parce que nos jours sont sur la terre comme une ombre. Cela ne t'enseigneront-ils pas, ne te parleront-ils pas, et ne tireront-ils pas des discours de leur cœur? Le jonc montera-t-il sans qu'il y ait du limon? L'herbe des marais croîtra-t-elle sans eau? Ne se flétrira-t-elle pas même avant toute herbe, bien qu'elle soit encore en sa verdure et qu'on ne la cueille point? Il en sera ainsi des voix de tous ceux qui oublient le Dieu fort, et l'attente de l'hypocrite périra. Son espérance sera frustrée, et sa confiance sera comme une toile d'araignée. Il s'appuiera sur sa maison, et elle n'aura point de fermeté, il la saisira de la main, et elle ne demeurera point debout. Mais l'homme intègre est plein de vigueur, comme une plante exposée au soleil, et ses jets poussent par-dessus son jardin. Ses racines s'entrelacent près de la fontaine, et il embrasse le bâtiment de pierre. Fera-t-on qu'il ne soit plus en sa place, et que le lieu où il était le renonce, en lui disant, « Je ne t'ai point vu », voilà quelle est la joie qu'il a de sa voix, même il en germera d'autres de la poussière. Voilà, le Dieu fort ne rejette point l'homme intègre, et il ne soutient point la main des méchants. De sorte qu'il remplira ta bouche de riz, et tes lèvres de chants d'allégresse. Ceux qui te haïssent seront revêtus de honte, et le tabernacle des méchants ne sera plus.